Comme quoi que, oh, notre train de vie n'est pas correct. Ben oui, la pollution, ce n'est pas moi qui affiche, là, c'est des industriels, entre autres. C'est toujours nous, là, le petit peuple, la classe moyenne, notre train de vie, puis blablabla. C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion, entre autres, de ce qui est au-delà des masses. Il y a une mauvaise gestion par rapport aux ressources par des groupes d'individus, mais ce n'est pas notre train de vie aux individus de la classe moyenne. C'est la classe moyenne n'est pas responsable de tout ce qui vient. Elle fait partie de ce qu'on appelle les ressources humaines. C'est pas, ça va faire à un moment donné culpabiliser le monde. C'est pas de leur faute. C'est pas eux qui sont de mauvaise foi. C'est pas eux qui sont malhonnêtes là-dedans. Donc, l'espèce de religion écologiste, gna gna, qu'on se regarde tout le temps en soi en disant, ben, notre train de vie n'est pas correct, notre façon de vivre n'est pas correct, on n'est pas correct. Pendant ce temps-là, on a toute cette clique-là en haut, que c'est eux qui sont pas corrects, puis ça arrange qu'on pense ça, puis on est conditionné à penser ça. Puis à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il va falloir que le monde, parce que ça va être dans le fracas que ça, on va être obligé d'intégrer ça dans de la souffrance expérimentale de l'enfer. Le fait que, justement, on se fourvoie.